saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila ndugu na kila dada katika jina la Bwana Yesu Kristo. Nous nous sentons ce matin heureux d'être dans la présence du Seigneur. Asubuhi ya leo tunajiona kwa waheri kupatikana mwepo wa Mungu. Parce que nous croyons que Dieu a gardé chacun de nous. Nous tunaamini kwamba Mungu alichunga kila mmoja wetu. Chaque fois que nous nous réveillons, wakati yote tumeamka, alors que nous avons un souffle de vie en nous, na wakati tuko na pumzi ya uzima ndani mwetu, cela témoigne la bonté de Dieu. Ile kuna shuhudia wema wa Mungu. Et c'est une grâce pour nous. Na ni neema kwetu. Et nous ne pouvons pas être ingrats. Na tuwezi kuwa batu bashukushukuru. Pour remercier le Seigneur. Ndio ya kupikia asante Bwana. Le pasteur Sam Kitoko. Pasteur Sam Kitoko. Le missionnaire Kalele. Na mtumishi wa Mungu Kalele. L'homme de Dieu Baizire. Mtumishi wa Mungu Baizire. Et l'homme de Dieu Fwana Mikombe. Na mtumishi wa Mungu Fwana Mikombe. Vous ont tous salué wote au nom wa limisalimia katika jina la Bwana Yesu Kristo. Levons-nous pour la prière. Simame juu ya kuomba. Ouvrons nos Bibles dans Daniel au chapitre 9. Tufungue Biblia yetu sura Danieli 9. Dieu tout-puissant. Mungu Mwenyezi. C'est toi qui es l'auteur de la vie. Ni wewe ndio mwakuleta uzima. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Milele hata milele uko Mungu. Toi seul, tu es le tout-puissant. Ni wewe peke yako ndio kwa uwezo yote. Tu conduis toutes choses selon ta volonté. Unaongoza maneno yote kufuatana kutaka kwako. Ce matin, dans l'humilité de nos cœurs, asubuhi ya leo katika unyenyekevu wa mioyo yetu, nous te disons merci. Tunasema asante Bwana. Merci pour Jésus-Christ que tu nous as envoyé. Asante kwa Yesu Kristo uliyetutumia. Comme une offrande de bonne odeur. Sawa sadaka ya harufu nzuri. Merci pour le sang qu'il a versé. Asante juu ya damu alimwanga. Afin de nous racheter. Juu ya kutukomboa. Merci Seigneur parce que tu nous as envoyé le message biblique du temps de la fin. Asante Bwana juu ulitutumia ujumbe wa Biblia wakati ya mwisho. Afin de nous retirer de toute confusion. Juu ya kututosha katika mvurugo yote. Et de toutes les sueurs du monde. Na juu ya uchafu wote kututosha mwa ya dunia. Dieu tout-puissant, Mungu wa uwezo yote, comme cela est écrit dans le livre saint, Rabile kwenye kuandikwa katika kitabu takatifu, qu'ils seront tous enseignés de Dieu, wote watafundishwa na Mungu, descend Père, shuka Baba, et enseigne nos cœurs, na ufundishe mioyo yetu, révèle-nous ta volonté, funulie mapenzi yako, et montre-nous la voie nous devons suivre. Na utoneshe njia ile tunapasha kufata. Béni ce peuple assemblé. Bariki a watu wenye kusanika. Donne-nous un entendement meilleur. Tupatie usikilivu ya mzuri zaidi. Accorde à chacun de nous une compréhension qui vient de toi. Upatie kwa kila mmoja wetu kuelewa kwa kutokea kwako. Nous voulons être éclairés sur toutes choses. Tunapenda kupokea mwangaza yule maneno yote. De cette manière, il y aura de l'urgence dans nos cœurs. Namna hiyo kutakuwa harakisho ndani ya mioyo yetu. Pour nous préparer. Njoo kujitayarisha. Afin de te recevoir. Na njoo kupokea. Lorsque tu reviendras chercher ton époux. Wakati utarudia kutafuta bibi harusi wako. Seigneur, merci. Bwana asante. Sauve nos âmes. Okoa manafsi zetu. Purifie-les, Seigneur. Uyasafishe Bwana. Seigneur, baptise-nous du Saint-Esprit pour que nous soyons prêts. Viens-toi des frères et des sœurs qui sont malades, des enfants qui sont dans les hôpitaux. Nous croyons que tu es le grand médecin. Bénis la parole que nous allons lire. Sois glorifié du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Nous te prions ainsi. Amen. Amen. Dans Daniel au chapitre 9. Daniel est sur la tisa. Commençons au verset 1. Tanzam stara kwanja. La première année de Darius, mwaka kwanja ya Darius, fils d'Assyrius, mwana wa Assyrius, de la race des Mèdes, wa mukizazi wa Medi, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, ulekisha kwa mfalme wa Chaldea. La première année de son règne, moi Daniel, mwaka ya kwanja utawala yake mimi Danieli, j'ai vu par les livres nikaona kupitia vitabu qui devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, ya kwamba kulipasha kupitika miaka 70 juu ya uharibifu ya Yerusalemu, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, kufatana na hesabu ya miaka ile wa milele Mungu alioneshaka nabii Yeremia. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, kageuza uso wangu kwa ngambo ya Bwana Mungu, afin de recourir à la prière, njoo kujitoa kwa maombi, et aux supplications, na kwa maombolezo, en jeûnant, kufunga chakula, et en prenant le sac et la cendre, na kuvaa mfuko na kukapa majivu. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Nikaomba Bwana Mungu wangu na nikakiri hivi mbele yake. Seigneur Dieu grand et redoutable. Bwana Mungu mkubwa na wakogopesha. Toi qui gardes ton alliance. Wewe mwenye kuchunga agano yako. Et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment. Na mwenye kufanyia rehema wale wenye kukupenda. Et qui observe tes commandements. Na wenye kuheshimu maamri zako. Nous avons péché. Tulitenda zambi. Nous avons commis l'iniquité. Tulitenda uovu. Nous avons été méchants et rebelles. Tuka watu wabaya na watombozi. Nous sommes détournés de tes commandements tuliacha, et de tes ordonnances. Tuliacha maamri zako na maagizo zako. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes. Hatukusikiliza watumishi wako wanabii. Qui ont parlé en ton nom à nos rois. Wale walisema katika jina lako kwa wafalme wetu. À nos chefs. Kwa wakubwa wetu. À nos pères, kwa babu zetu, et à tous les peuples du pays, na kwa taifa yote ya inchi, à toi Seigneur et la justice, kwa kwa Bwana, ni uwaki, et à nous la confusion de face, na kwetu mvuruko ya uso, en ce jour au homme de Juda, muisiku kwa watu wa Yudea, aux habitants de Jérusalem, kwa wakaji wa Yerusalema, et à tout Israël, na kwa Israël yote, à ceux qui sont près, kwa wale walikuwa karibu, et à ceux qui sont loin, kwa wale walikuwa mbali, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités, umaichi zote mulo lubazambaza njua kutokwa mini, dont ils se sont rendus coupables envers toi. Inyele walijifanya kwa wenye kukumiwa mbele yako. Seigneur, à nous la confusion de face. Bwana, kwetu mvuruko wa uso. À nos rois, kwa wafalme wetu, à nos chefs, kwa wakubwa wetu, et à nos pères, na kwa wababu zetu, parce que nous avons péché contre toi, njuu tulitenda zambi mbele yako, auprès du Seigneur notre Dieu, kandokando ya Bwana Mungu wetu, la miséricorde, rehema, et le pardon, na usama, car nous avons été rebelles envers lui, kwani si tulikuwa watumbuzi, nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu. Atusikiliza sauti wa milele Mungu wetu. Poursuivre ce loi. Njua kufata masheria zake. Qu'il a mis devant nous par ses serviteurs les prophètes. Il a liweka mbele yetu kupita watumishi wake wa nabii. Tout Israël a transgressé ta loi. Israël yote ilivunja sheria yako. Se détourne pour ne pas écouter ta voix. Waligeuka na kukosa kusikia sauti yako. Alors se sont répandus sur nous la malédiction. Na pale juu yetu laana ikakuwa itakazambaza juu yetu. Imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Masheria zote yenye kuandikwa ndani ya sheria ya Musa mtumishi wa Mungu. Parce que nous avons péché. Kwani tulitenda zambi contre Dieu. Mbele ya Mungu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous. Alitimiza maneno yenye alisemaka juu yetu. Et contre nos chefs. Na ndio wakubwa zetu wale walitongoza. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Akaleta juu yetu mambo ya mbaya. Et il n'en a jamais arrivé sous le ciel entier. Il a yafikaka kamwe chini ya mbingu zote. Il est semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Mabaya yenifanana na ile ilifikia Jerusalem. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze baraka yake kusomiwa neno. Ça fait un bout de temps que nous parlons du livre de Daniel. Et comme nous l'avions déjà montré dès le départ, le livre de Daniel est un livre prophétique. Il est semblable au livre de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament. Et parce que dans ces écrits, tout le plan entier d'Israël et de l'humanité y est révélé. Ce livre prophétique ne pouvait pas être compris avant le temps de la fin. Parce que l'esprit prophétique n'était pas encore déversé sur la terre. Dieu attendait son temps pour que ces choses soient révélées. Nous avons avancé avec deux choses à la fois. Et c'est ce que nous ferons tout au long de cet enseignement. D'une part, nous étirons l'Évangile dans ce qui est écrit. Et d'autre part, nous annonçons la parole prophétique. Mais c'est à vous d'être prudent et attentif pour mettre chaque chose à son temps. Et mettre chaque chose à sa place. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible est le Dieu Tout-Puissant. Un Dieu vivant. Sous la forme de l'Écriture. Ces choses qui ont été consignées dans les pages de la Bible ne nous donnent pas seulement l'instruction. Ce sont des choses qui nous accordent aussi la vie. Ça nous éclaire dans notre marche. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur dans ce que nous faisons. Et il faut être très attentif pour que le Seigneur nous révèle sa volonté. Vendredi, nous avons commencé à parler, nous avons parlé de Daniel 7 et de Daniel 8. Avant qu'on arrive au chapitre 9 de Daniel, qui traite des 70 semaines de Daniel. Quand nous changeons d'angle, nous quittons l'Évangile, nous allons dans l'enseignement. Il faut être attentif. Et là, c'est très important. Vendredi, nous avons dit ceci comme tout le monde n'était pas là. Daniel Dieu avait donné à Nebuchadnezzar. Mungu alimpatiaka Nebuchadnezzar. Ce songe de la statue qu'il avait oublié. Ile ndoto ya sanamu ile mwenye alisabwaka. Qui fut interprété par le prophète Daniel. Il est Nabi Daniel alitafsiri. Et cette statue était divisée en quatre parties. Na itanamu ilikuwa na vipande ine. Qui annonçait les grandes quatre royaumes. Il est angula kutangaza maufalme ine kubwa. Qui devait régner sur toute la terre. Il est lipasha kutawala pa dunia yote. Nous avons montré, Lionesha, et comme nous les montrerons encore, na teonesha tena, que le règne des nations avait commencé avec le royaume de Babylone de Nebuchadnezzar. Ya kwamba utawala wa mataifa ilianza na ufalme ya Babiloni utawaliwa na Nebuchadnezzar. Il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés. Kulikuwa maandamano mingi ilipitika. Arrivé au chapitre 7 de Daniel, sous le règne de Belshazzar, qu'on appelle en d'autres termes Balthazar, Balthazar ou Belshazzar, Dieu est venu vers le prophète Daniel. Il lui montre une vision de quatre animaux. Akampatia onyo ya banyama ine. Nous avons montré vendredi que c'était la même vision que Nebuchadnezzar avait vue. Patana na lendo to Nebuchadnezzar alipataka. Mais lakini, dans des types différents. Mwapita ya kwatana. Nebuchadnezzar avait vu la statue, nisanamu, tandis que Daniel lui Daniel voit les quatre animaux. Ine. Mais les deux visions mbili, parlent de la même chose. Moya moya. Et nous vous avons dit ceci. Na, dans le songe de Nebuchadnezzar, la tête d'or pur est représentée dans la vision de Daniel par un lion qui a sur son dos les ailes d'aigle. Mwenye kuya yulu yake na mabawa ya ntai. Pendant les visions, la vision de Daniel, muonyo ile ya Danieli, pendant qu'il observait les lions, wakati alikuwa anangarishisha ile simba, il a remarqué que ses ailes lui furent arrachées. Akaona kwamba ule simba mabawa yake bakumkata ayo. Un cœur d'homme lui fut donné. Na moyo ya bumutu ikampewa. La tête d'or. Kichwa ya dhahabu. Dans la vision de Nebuchadnezzar. Mwile onyo ya Nebuchadnezzar. Et le lion. Na simba. Dans la vision de Daniel. Onyo ya Danieli. Parle du royaume de Babylone. Yote mbili nasema njoo ufalme ya Babyloni. Le royaume de Babylone avait commencé en 606 et ce royaume s'est terminé en 536 avant la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai dit, ce n'est pas un problème si vous ne comprenez pas encore certaines choses, parce que nous allons expliquer cela. Pourquoi ici, dans la vision de Daniel, Il voit un lion avec les ailes d'aigle. Ya panaona simba na mabawa ya wantai. Nous avons montré vendredi que dans les songes de Nebuchadnezzar, dans sa statue, la deuxième partie de la statue, c'était la poitrine et les bras en argent. Mais dans la vision de Daniel, Dieu lui montre l'ours qui se tient d'un côté. Et cet ours qui se tenait d'un côté avait entre ses dents trois côtes. Et il mangeait beaucoup de chair. La poitrine et les bras dans la statue de Nebuchadnezzar. Et l'ours qui se tient d'un côté avec trois côtes dans ses dents, entre ses dents, annonçait le royaume des Mèdes et des Perses. Le royaume qui a commencé de 538 et qui s'est terminé en 330 avant la naissance de Jésus-Christ. C'est le deuxième royaume. Il y a eu le troisième royaume qui est représenté dans la statue de Nebuchadnezzar par le ventre et les cuisses en airain. Mais dans la vision de Daniel, dans son chapitre 7, Dieu montre à Daniel un léopard qui a quatre ailes sur son dos. Il avait quatre têtes. Et Daniel observait bien la vision. Il vit que la domination lui fut donnée. Akaona kwamba ule chui bakampatia utawalo. Le ventre tumbo et les cuisses de rein na mguu ya shaba et le léopard avec quatre dos, avec quatre ailes sur son dos, na ngambo apili chui na mabawa ine yula mkongo yake annonçait le royaume de la Crèche, d'Alexandre. Ce royaume commença en 330 jusqu'à l'an 30 avant la naissance de Jésus-Christ. Vente de reins, les cuisses de rein et les léopards parlent du troisième empire, la Crèche. Dans la statue de Nebuchadnezzar, le roi avait vu les jambes en fer qui étaient divisées en deux. Le pied était en partie en fer et en partie en argile. Ça, c'est dans la statue de Nebuchadnezzar. Mais quand Dieu vient montrer à Daniel la vision, il lui montre un animal terrible, épouvantable, extrêmement, extraordinairement fort, qui avait de grandes dents de fer. Il mangeait. Il brisait. Et il fouait les restes. Et il avait 10 cornes. Les gens m'ont fait, dont une partie est en fer et l'autre en argile. Et cet animal terrible annonçait le royaume de Rome, l'Empire romain. Et l'Empire romain a commencé de l'an 30 avant Jésus-Christ. Et ce royaume ira jusqu'à la fin du monde. Et donc aujourd'hui, quand tu es assis là, nous sommes encore sous la domination du quatrième animal. Cet animal terrible. Nous sommes encore sous la domination ou le règne de l'Empire romain. Si le quatrième animal pendant que Daniel regardait attentivement, il vit une petite corne qui sortit de ses 10 cornes. Quand cette petite corne est sortie parmi les 10 cornes, elle a fait tomber trois premières cornes. Cette petite corne qui est sortie parmi les 10 avait arraché 3 premières cornes. Daniel observait attentivement. Cette petite corne avait les yeux d'homme et elle avait une bouche qui parlait avec beaucoup d'arrogance. Daniel observait. Daniel alikuwa mkuangalishisha. Pendant que cette petite corne wakati akapembe kadogo parlait avec beaucoup d'arrogance. Alikuwa mkusema na yauri sana. Dans sa vision, Daniel regarde. Daniel akangalia. Il voit le trône. Akaona enzi. Qui furent placés. Ikawekwa. On a placé le trône. Akaweka ile enzi. Et après que le trône soit placé, il a vu le fils de l'homme, un fils de l'homme, qui s'avançait vers l'ancien des jours. Il observait. Cet homme qui était venu sur les nuées, qui était semblable au Fils de l'homme, na mwana wa mutu, qui s'avançait vers l'ancien des jours, ula kakaribia mbele mzee wa masiku. Et quand l'ancien des jours s'assit na wakati mzee wa masiku alikala, sur le trône, ma enzi, il était habillé en vêtements blancs. Alikuwa mwenye kuvaa kitani mweupe. Il avait des cheveux de la laine, comme de la laine pure, blanc comme la laine pure. Et sur son trône, il y avait des flammes de feu. Daniel observe, il voit que le trône avait des roues de feu ardent. Et un fleuve sortait devant lui. Et pendant sa vision, il regarde, mille milliers servaient celui qui était assis sur le trône. Et après un certain temps, il vit maintenant plusieurs trônes qui furent placés et des juges s'y assirent et des livres furent ouverts. C'était une vision terrible. Pendant qu'il était dans ses visions, il observe, à cause de l'arrogance de cette petite corne, l'animal fut tué et livré au feu pour être brûlé. Et les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Daniel continue à observer. Néanmoins, une prolongation de vue leur fut accordée. C'est vrai, frère. Il a vu l'ancien deux jours s'installer. Et la domination et le règne lui fut donnée. Et il a vu que tous les peuples et toutes les langues de la terre le servaient. Comme nous l'avons montré vendredi, Daniel voulait savoir Daniel alipenda kujua la vérité sur le quatrième animal kweli yule ule nyama wa ine qui était extrêmement fort, terrible et épouvantable. Il voulait savoir alipenda kujua la vérité sur les 10 cornes kweli yule ale mapembe 10. Il voulait savoir kujua la vérité kweli sur cette petite corne kadogo, qui parlait avec et qui parlait avec arrogance. Il était troublé, il ne comprenait rien. Et nous avons dit vendredi que ces choses dont Daniel voulait connaître, la vérité sur le quatrième animal, sur les 10 cornes, sur la petite bête, la petite corne, à qui parlait avec arrogance, ce sont des choses qui s'accompliront littéralement au temps de la fin, pendant la 70e semaine de Daniel. Nous en parlerons. Quand vous prenez Daniel chapitre 7, dans son verset 3, Et dans, plus haut, dans son verset 13. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées, des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour et on le fit approcher de lui. Cette scène du verset 13, comme nous allons le montrer plus clairement avec les Écritures, signifie que Jésus-Christ quitte le ministère des fils de l'homme vers celui des juges ou du fils de David. Vous allez le comprendre. Cette scène du verset 13 nous révèle que Jésus-Christ, le Rédempteur, qui était un avocat, qui était un médiateur, quitte maintenant le ministère du Fils de l'homme. Ce temps d'intercession est terminé. Ici, le ministère prophétique est terminé. Maintenant, il va vers celui du juge. Il va vers celui du fils de David. C'est-à-dire, nous avons montré que dans Daniel chapitre 8, Daniel a vu un bélier, Daniel a liona, gondo dume, un bouc, nambuzi dume. Et dans ses visions, il voit nakatika onyo akaona, un bélier qui se tenait devant le fleuve, qui avait deux cornes, na ule gondo dume alikuwa na mapembe mbili, mais dont l'une était plus haute que l'autre. Et il regarde cette haute corne. S'éleva la dernière. Et dans sa vision, il regarde les béliers. Qui était fort, qui était puissant, qui frappait de ses cornes l'Occident, le Septentrion et le Midi, aucun animal ne pouvait les résister. Il regardait attentivement dans la vision. Il voit un bouc qui venait de l'Occident et qui parcourait toute la surface de la terre. Mais il ne touchait pas la terre. Et quand ce bouc vint devant le bélier, le bouc s'approcha du bélier et s'irrita contre lui. Il frappa le bélier et brisa les deux cornes, sans que le bélier ne lui résistait. Il les jeta par terre, il les foula aux pieds et il n'y eut personne pour délivrer le bélier. Nous avons montré que ce bélier C'est le royaume des Mèdes et des Perses. Nous parlons à la Mède et à la Perse. Des Indiens. Pas Indiens. Et les boucs. Ah, les boucs du Dume. C'est la Grèce. Grèce. Cette grande corne. Et Pembe Kubwa. Comme nous le montrerons, c'est Alexandre. Alexandre Mfal. Nous allons le montrer. Deonesha. Mais regardez. Lakini Tazamen. Dans Daniel 8. Daniel Suramunane. Dans son verset 9. Sarekatisa. De l'une d'elles, de l'une de ses cornes. Doka moja wa ile mapembe. Sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi, vers l'Orient et vers les plus beaux des pays. Cette petite corne du chapitre 8 de Daniel, verset 9, Daniel sur Amunan et Mustaratisa. Et cette petite corne. Akapembe Kadogo. Que nous trouvons dans Daniel 7, verset 8. Allez, tu n'as pas mon Daniel sur la table Mustaramunan. Sont différentes. Nous allons expliquer cela. La corne de Daniel 7 et la corne de Daniel, la petite corne de Daniel 8 sont des cornes entièrement différentes. Vous voyez, la petite corne de Daniel 7 sort parmi les 10 cornes du quatrième animal. Mais la petite corne de Daniel 8 est sortie du bouclier du troisième empire qui est le léopard. Ya ile ufalme ya tatu yenye kwa inaonekanishwa na chui. Et quand vous lisez, na mkisoma, vous verrez que l'agissement utaona ke namna de la petite corne ya kanyama de Daniel 7 kam Daniel sur la et les comportements na mwenyendo ou les agissements voilà, de la petite corne de Daniel 8 kam Daniel sur la bien qu'elles sont différentes l'une à l'autre, mais ils ont un dénominateur commun. Ils sont contre, ils ont de la haine contre Dieu et ils ont de la haine contre les saints du Très-Haut. Ça, c'est un dénominateur commun. Si vous regardez au verset 11 du chapitre 8 de Daniel, Daniel sura 8 mstari 11, chapitre 12, chapitre 13, 12, 13, ici vous verrez, apa mtaona, quand cette corne s'élevait, wakati akapembe kadogo kalijiinua, elle jetait la vérité par terre, akatupa ukweli pa bulongo, et n'avait aucun respect à l'égard de Dieu, à l'égard de son peuple. Akakuwa na heshima wala mbele ya Mungu wala mbele ya taifa ya Mungu. Mais regardez, lakini tazameni, les deux cornes, ipembe mbili, œuvrent à la fin de chaque royaume. Inatumika kumwisho ya kila ufalme. La petite corne de Daniel 8, pembe ndogo ya Daniel sura 8, dans le royaume de Crète, œuvre à la fin du royaume de Crète. Et vous remarquerez que la petite corne de Daniel 7 œuvre aussi à la fin du royaume de Rome. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Et nous verrons cela. Daniel a gardé ces choses. Daniel a katunga maneno haya. Il était vraiment très troublé. Alivuruka sana. Il voulait savoir la vérité à ce sujet. Alipenda kujua ukweli pa imambo. Et Dieu lui envoya l'ange Gabriel. Na Mungu akamtumia malaika Gabrieli. Pour lui donner la signification de toutes ces choses. Et de ces choses qui s'accompliront à la fin de temps. Babylone était un captif de qui venait de Juda. Babylone alikuwa ni mfungwa ule alitokea ku Yuda. En tant que croyant, c'est saint. Ça, vous m'aminez, vous m'takatif. Avec tout ce qu'il avait vu, avec les explications qu'il avait reçues de l'ange Gabriel, son cœur n'était pas au repos. Moyo wake haikuwa katika mapumziko hapana. Des années se sont passées. Miaka ikapita. Et au temps de Darius. Na mwakati ya mfalme Darius. Daniel fut conduit à prendre le livre de Jérémie. Que nous avons déjà, sur lequel nous avons déjà dit beaucoup de choses. Daniel a kaongoza ndio kubeba kitabu ya Yeremia, kitabu kilichosemea hapo. Daniel n'était pas un faux croyant. Daniel a siwa ki mwaminifu wa bongo hapana. Daniel était un véritable croyant. Daniel alikuwa mwaminifu wa kweli. Il priait, alikuwa naombaka. Et il lisait la parole de Dieu. Il priait. Et il lisait la parole de Dieu. Et quand il prit le livre de Jérémie, il vit pas le livre. Il lit, il vit en lisant les livres de Jérémie qu'Israël devait rester en captivité à Babylone. Israël alipasha kubakia mutumwa mu Babylone pendant 70 ans. C'est-à-dire miaka makumi saba. Il était presque à la fin de 70 années d'années qui avaient été prophétisées par Jérémie. Et arrivé en 538, c'est dans cette année-là que Jérémie, Daniel s'il vous plaît, que Daniel eut sa vision sur les 70 semaines de Daniel. Akapata onyo yule wa majuma makumi saba ya Daniel. Et Daniel lisait. Daniel alikuwa anasoma. Exactement. Kabisa. Daniel 25. Daniel, le verset 9 à 13. C'est lorsqu'il a pris le livre de Jérémie, 25, 9 à 13, qu'il comprit que selon la prophétie de Jérémie, il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Et après cela, Israël devait retourner dans son pays. C'est vrai. Et quand Daniel a compris par la prophétie, a compris en lisant la prophétie de Jérémie, qu'Israël devait rester dans la captivité 70 ans, il prit son bic, il fit des calculs, comme nous allons le faire, elle trouve qu'il ne lui restait que 2 ans. Et Israël devait sortir. Daniel croyait que la parole de Dieu est infaillible. Ce que Dieu avait annoncé s'accomplirait littéralement. Il comprit qu'en étant sur une terre étrangère, Israël n'avait plus beaucoup de temps. Dans ce pays de Babylone, il n'avait plus beaucoup de temps à passer dans la captivité. Israël a coûté la miaka mingi kupitika mukifumutumwa. Il est compris. Daniel a kaelewa hivi. Et quand Daniel compris, akisha Daniel kuelewa, ils étaient à la fin de la captivité. Kwa mwisho ya utumwa yao, mukifungo yao. Que Dieu avait prophétisé par Jérémie le prophète, il est Mungu alitabiri kupitia Yeremia nabii. Il s'éleva dans son cœur ndani ya moyo wake mkaamuka, une urgence alkisho de chercher la face de l'Éternel, ya kutafuta uso ya milele. Il s'éleva dans le cœur de Daniel, mkaamuka ndani ya moyo wa Danieli, une urgence, arkisho moja, une grande soif kubwa de prier ya kuomba pour son peuple d'Israël, joa taifa yake Israeli, qui dormait dans la captivité alikuwa analala katika kifungo katika utumwa, et qui ne croyait plus na wakaamini tena qu'ils retourneraient dans leur pays d'origine. Daniel commença à prier pour que Dieu réveille l'esprit d'Israël, que les Juifs comprennent qu'il n'y a plus de temps, qu'ils se préparent parce que le retour au pays d'origine est arrivé. Wakati imefika. Il priait pour lui-même. Akaanza kuomba njoo yake yeye moya. Il priait pour son peuple. Na alikuwa anaombea taifa yake. C'est pourquoi il dit. Ndio kama na Daniel anasema hapa. Après qu'il ait compris par les livres, qu'il lui restait seulement 2 ans pour sortir, kutoka, il dit, j'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir ili nipate kurudiria à la prière maombi et aux supplications. en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Bien-aimé frère, Daniel était amené captif. Alipele kwa mkifungo. Il est allé en captivité. Alienda mule mkifungo mbutumwa. Pendant qu'il était jeune. Wakati alikuwa kingali kikiana. Ça faisait 68 ans. Ilikuwa miaka makumi sita na munane ilikuwa ishara. Quand il reçoit la vision, quand il reçoit sa vision ici. Wakati sasa anapokea onyo yake hapa. Ça fait 68 ans qu'il était en captivité. Quelqu'un qui est allé enfant dans un pays païen, mais néanmoins, pendant 68 ans, Daniel a gardé sa foi. Alichunga imani yake. Pendant 68 ans. Miaka makumi sita na munane. Daniel a gardé aliendelea kuchunga la victoire ushindi sur le péché. Yule ya dhambi. Pendant 68 ans, Daniel a gardé la victoire sur l'idolâtrie. Il a gardé sa victoire sur l'idolâtrie. Pendant 68 ans, Daniel a gardé la loi de son Dieu dans son cœur. Et cela, sans pasteur, bila pastori, sans ancien, bila mzee, sans diacre, bila shemashi, sans prédicateur, bila mubiri, mais il gardait la victoire. Lakini aliendelea kuchunga ushindi. Daniel, sur une terre étrangère, sans église, bila kanisa. Daniel n'avait pas d'église. Daniel a chikwake na kanisa. Il n'avait même pas de frères. A chikwate la bandu. Avec qui communier. Nabo, wakushiriki nabo. Parce qu'il était au service. Il alikuwa kukazi. Du roi. Ya mfalme. Il était dans le palais. Alikuwa munyumba. Du roi. Il n'avait pas de communion. A chikwake na ushiriki. Avec ses frères. Na bandu yake. Mais Daniel. Lakini Danieli. Sans église à fréquenter. Bila kanisa, ule alipasha kwanza kwenda wakati wote. Sans pasteur. Bila pastori. Sans diacre. Bila shemashi. Sans ancien. Bila mzee. Sans prédicateur. Bila mhubiri. Il a gardé la foi. Alichunga imani. Et en dehors de cela. Na inje ya ile. Daniel. Il garda la foi. Akachunga imani. Sur une terre étrangère. Mu inje ya kigeni. Sans nouvelle naissance. Bila kuzali kwa mara ya pili. Avec les sacrifices. Na sadaka. Animal. Ya nyama. Sous le sang. Chini ya damu. De bouc et de taureau. Ya mbuzi dume na ngobe dume. Mais cet homme de Dieu. Lakini huyu mtumishi wa Mungu. A gardé la victoire. Akaendelea kuchunga ushindi. Quelle grande leçon. Mafundisho kani mkubwa. Nous devons avoir honte aujourd'hui. Leo, tu n'as pas chaque fois na haya. Nous n'avons pas le droit. Atuna na rusa. De nous appeler chrétiens. Ya kujita ba Kristo. Si nous pouvons comprendre. Kwa tunawezi kuelewa. La vie de Daniel à Babylone. Maisha Danieli Babylone. Et notre vie. Pananisho na maisha yetu. De nous qui nous réclamons. Ya kujita kusema. Épouse de Jésus-Christ. Kujinjo bibi harusi wa Yesu. Sous l'alliance. Ya agano. Du sang du Dieu tout-puissant. Ya Mungu wa uwezo yote. Nous aujourd'hui Yeleo, qui avons une église kanisa, que nous fréquentons Yeleo, tous les jours, kunaenda, kila siku, il y a même des journées organisées pour la prière, mais nous ne le faisons pas. Ile, mais lui Daniel, Danieli, il prie en cachette dans sa petite maison, sous le sang des boucs et des taureaux. Il n'y avait aucun diacre pour aller le visiter, aucun pasteur pour lui amener une exhortation, pour lui enseigner. Et aujourd'hui, allez, oui. Nous l'épouse de Jésus-Christ, oui. Nous avons des pasteurs, oui. Pastori. Nous avons une église, oui. L'Esprit du Dieu vivant, oui. C'est une nouvelle alliance, oui. Mais quand on regarde notre vie, oui. C'est une honte, oui. Si un frère n'est pas visité par le pasteur, il n'est pas visité par le diacre, il quitte l'église. Dans cette église-là, il n'y a pas l'amour. Quelle honte. Tu vas avoir honte. Cela ne nous convient pas. Il est à tout ça, il y a pas. Comme des gens qui sont sur la nouvelle alliance. Pendant 68 ans. Pendant 68 ans. Sans église. Sans pasteur. Sans communion avec ses frères, sans nouvelle naissance, mais ces derniers n'ont moins gardé la victoire sur le péché. Nous devrons avoir honte, et nous avons honte. Aujourd'hui, Léoï, les Bibles sont vendues partout. Ma Bible est en usage. Tout le monde a le temps de lire sa Bible. Mudote kuna wakati ya kusoma Biblia yake. Les autres ont même leur Bible. Bengine bona ma Biblia yabo. Mais qui ne les lisent jamais. Lakini la basoma ke kamwe. Il y a beaucoup de faux frères. Kubanduku ba mingi ba bongo na badada ba mingi ba bongo. Ils ont acheté des Bibles. Baluza ma Biblia. Par formalité. Njutu ya njina ya kuonekana siko nayo. Ils viennent avec des Bibles dans l'église. Baoka ma Biblia mkanisa. Même dans l'église. Hata humu mkanisa. Ils ne lisent pas. Hawasomaki. À la maison. Kunyumba. N'en parlons pas. Kusema ta kusema. Et pourtant, japo, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Si tu kunjo bibi harusi wa Yesu Kristo. Dieu nous a envoyé le message dans la vie. Nous serons enlevés. Biabongo sana. Et archifo. Biabongo sana. C'est vraiment archifo. Biabongo sana. C'est archifo. Des faux croyants. Waminifu wa bongo. Qui attendent le retour du Seigneur. Avec la Bible entre leurs mains. La Bible au mikono yabo ili abasomaki. Ils ont des maisons. Ils ne prient pas. Ils ont une église. Ils ne viennent pas prier à l'église. Ils ont une église. Ils ne viennent pas écouter la parole. Ils s'enfant. Comment iras-tu dans l'enlèvement? Dieu, au tenda mkunyuliwa. Même Daniel. Ata Danieli. C'est en lisant qu'il a constaté. Ni mukusoma njo aliona kusema. Qu'il n'y avait plus de temps. Akukwete na wakati. Le retour dans son pays était imminent. Wa muinchi yake ni sasa hivi. Comme il avait les soucis. Na vile kwa na ile angaiko. De comprendre les visions que Dieu lui avait données. Il comprit par les livres. Akaelewa kupitia kitabu. Il n'y avait plus de temps. Kwamba kukwete na wakati. Il commença à se préparer. Akaanza kujitayarisha. Il priait pour son peuple. Alikuwa anaombea taifa yake. Pour que Dieu révèle les esprits. Ili Mungu aamshe roho yao. Il commença à jeûner. Akaanza kufunga chakula. Il commença à confesser ses péchés. Akaanza kukiri madhambi yake. Mais aujourd'hui, nous sommes quels chrétiens? Lakin nous sommes quelle épouse? Tuko bibi harusi gani? Parce que Daniel est le type de l'épouse ya bibi harusi. Daniel est le type de l'épouse. Ni picha ya bibi harusi. Ce que nous voyons dans les types, mfano, pour nous c'est une réalité. Ni ukweli. Ce que nous avons vu dans les types doit s'accomplir dans la réalité. Kutimilika mu ukweli yayo. Daniel n'était pas né de nouveau. Daniel a mais il était oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vrai seulement en lui au niveau de l'Esprit. Mais dans son cœur, il y avait encore un cœur de pierre. Mais regardez son comportement. Il n'y avait ni sacrificateur. Pour lui expliquer la loi. Il n'y avait ni levite pour l'exalter. Il n'y avait pas d'église. Il était abandonné à lui seul. Mais son cœur aimait Dieu. Quand un homme aime Dieu, il voudra être un avec sa parole. Atapenda kwa mmoja na neno la Mungu. Il voudra atapenda que tout ce qui est écrit dans les livres de la vérité ya ukweli, s'accomplisse littéralement en lui. Ndani mwake. L'épouse bibi harusi et l'accomplissement de kutimilika de toutes les prophéties yote de son temps. Ya wakati yake. Vous ne pouvez pas être l'épouse sans être l'accomplissement ya utimilifu de votre jour. Ya siku yako. Cela est faux. Il est ni bongo. Les prophéties de votre temps maunabii ya wakati yako doivent s'accomplir en vous yako, et avec vous. Na pamoja nawe. C'est vrai. Ya kweli. Si vous êtes une épouse, kama weye uko bibi harusi, les prophéties de votre jour maunabii ya siku yako doivent s'accomplir littéralement en vous et avec vous. Vous devez être la manifestation de toutes les promesses de votre temps. En toutes choses. Pendant 68 ans. Mumiaka makumi sita na munane sans église bila kanisa sans prédicateur bila mubiri sans communion bila ushiriki Danieli a marché alitembea une vie sainte maisha takatifu. Il ne s'est jamais souillé asikujichafue kamwe. Pour Daniel, kwa Danieli, la crainte de Dieu, oga ya Mungu, l'obéissance, la sainteté n'était pas un enseignement pour Daniel. Danieli, l'obéissance, la sainteté était une vie. Il était une partie de toutes les prophéties qui étaient annoncées. Il était attaché à son Dieu. Alikuwa mwenye kuambatana na Mungu wake. Mais la chrétienté que nous avons aujourd'hui, tu attends le retour de Jésus-Christ. Kuomba aombake. Tu ne pries pas régulièrement. Tu attends le retour de Jésus. Tu t'es déjà revêtu du péché comme la trouille dans la boue. Toi, tu attends le retour de Jésus. Bundumba, la prostitution. Sawa imbo mwakati akifukutu, comme une chaîne pendant la chaleur. Tu attends le retour de Jésus. Kama na kuangalia we dad. Tu observes toi ma soeur. Awachane mkintu atakimoya na bandumba. Avec les prostituées. Kama na kuangalia we frère. Tu observes mon frère. Awachane atakidogo na bandumba. Avec les musiciens. Quoi que ce soit avec les voyous. Mais tu attends le retour de Jésus. Si on t'observe, te regarder, toi qui attends le retour de Jésus. La haine dans ton cœur est si pleine comme dans le cœur de Caïn. Toi et Caïn. Vous n'êtes pas différent en quoi que ce soit. Chuki, awache. Tu n'abandonnes pas la haine. Bongo, les mensonges non plus. Kuzingiziana mambo, awache. Calomnier les gens, tu n'arrêtes pas. Kuzambarisha mambo ya bongo, awache. Répandre les faussetés, tu n'arrêtes pas. Mais en tout ça, tu as dit que tu es un bongo yako mon frère. Faux, tu te trompes mon frère. Bongo yako ma soeur. C'est faux, tu te trompes ma soeur. Tu es seulement un membre de l'église de Kambo. Tu attends le jour de ta mort que nous puissions payer ton cercueil. Tu changes bunga, la question de la farine, le jour de ton décès. Mais enlèvement. La kini kunyanyuliwa. Auteyona. Tu n'iras pas et tu n'iras pas dans l'enlèvement. C'est vrai, frère. Bien quoi l'indou. Ka épreuve kilo. Juste une petite épreuve, jaribu kidogo. Unanguka. Tu tombes. Comment Christ en a pas gagné. Tu es quel type de chrétien? Daniel, 68 ans. Daniel, mais captivité. Na moja mubutumu kifungo. Sans pasteur. Bila pastori. Sans communion. Bila ushiriki ya kindugu. Il a vécu au-dessus du péché. Aliishi juu ya zambi, yulu ya zambi. Comme nous l'avons montré. Il a mené une vie. Aliishi maisha. Irréprochable. Daniel. Daniel. Sans nouvelle naissance. Il a vousari comme rapide. Il a mené. Aliishi. Une vie. Maisha. Irréprochable. La choc kemewa. Daniel, Danieli, sous le sang de bouc et de taureau, il a mené une vie sainte. Mais toi, sous le sang de Jésus, lakini we, chini adamu ya Yesu, le sang de Dieu, damu ya Mungu, le sang du Tout-Puissant, damu ya Mwenyezi, avec cette vie que vous avez, na ile maisha kunayo. Tu es séduit, huku mwenye kutunguziwa. Il y a des sœurs ici, des frères. Depuis qu'ils ont cru, ils n'ont jamais gêné, même pendant une heure. Tu es quel chrétien? Tu es quel chrétien? Vendredi, tu apparais à l'église à 16h. Regarde comment les démons ont déjà saisi les sœurs. Le jour du vendredi, c'est le jour où elle va sortir les habits pour la lessive. C'est une séduction. Les otongos, toutes les sœurs qui ont loupé la lessive le vendredi, elles sont sous la conduite des démons. Elle fait la lessive vers 14h. Elle vient très fatiguée, très rassasiée. Et tu penses que toi, Dieu viendra te prendre. Et tu pourras te comparer à Daniel. Toi-même, tu n'as même pas, tu n'as même pas 50 ans. Tu es déjà un rétrograde. Pas un rétrograde, un apostat. Et Dieu va t'enlever. Ce qui t'intéresse, toi, c'est seulement les choses du monde. Ce qui t'intéresse à la politique, aux habillements indécents, mavazi, ya shwe, shima, t'intéresse à avoir beaucoup d'argent, tu n'as aucune préoccupation pour les choses de Dieu. Pourquoi tu as pour wakati à kusoma Biblia, mais quand yako, il faut avoir un souci permanent de comprendre la volonté de Dieu dans ta propre vie et sur l'église du Dieu Tout-Puissant. Na yulo kanisa Mungu mweko ya hai. Et Daniel se soucie. Daniel alikuwa anangaikia de son royaume. Ufalme yake. Il pensait tout le temps à Jérusalem, la capitale du grand roi. Daniel pensait tout le temps à son temple qui était bâti à Jérusalem. Et le nom de Jéhovah était invoqué. Il s'est mis dans son cœur jusqu'à qu'un Seigneur retournera à Jérusalem. Cette ville Imuji, qui est bâtie sur Elfu, cette ville Imuji, du grand roi, ya mfalme mkubwa, frère, duku, dans son cœur il brille. Dana moyo wake mlikuwa na waka waka. Il se disait, alikuwa anasema ndani mwake, jusqu'à quand Seigneur, hata kwa wakati gani Bwana, le temple Darudia, dans mon pays natal, kama inchi yangu mule nizalikia, najiona, napenda kuona, napenda kuona, madamani yako, jusqu'à quand retourner, hata kwa wakati gani mitawezi kurudia, pour rencontrer, ndio kwenda kutanishana, mes sacrificateurs, na wakuani yangu, qui me liront la loi, wao watanisomea sheria, j'aime ta loi, napenda sheria yako, inafanya mzuri. Jusqu'à quand? Hata ufika wakati gani? Il avait ses soucis. Alikuwa na ile hangaiko. C'était pas un chrétien m'enfumant. Ashikuwa ke mu Kristo akusula sula. Page yake ni paka kujisha. Il est là que pour vendre. Page yake ni paka kulima mashamba. Il est là que pour faire les champs. Page yake ni paka kuwaza. Namna kana kutengeneza manyumba yake. Arranger ses maisons. Page yake ni paka fonde masomo. Apata ma diplôme. Page yake. Travaille à lui. Il connaît que namna kuvuala. Se préoccuper comment il s'habille. Ce n'était pas Daniel. Aikuwa ke vile na Danieli. Daniel avait un cœur attaché à son Dieu. Daniel avait un cœur attaché à sa ville. Daniel était attaché, avait un cœur attaché à son temple. Daniel était attaché, son cœur était attaché à la loi de son Dieu. Daniel était attaché à la liberté. Daniel alikuwa mwenye kombatana na uhuru. Je suis ce frère. Jusqu'à quand ma liberté. Atafika okani uhuru yangu itafika. Frère. Nduku. Quand un véritable chrétien. Wakati mkristo wa kweli. Comprend qu'il n'y a plus de temps. Anaelewa kwamba hakuna tena wakati. Et que le retour du Seigneur est imminent. Kwa Bwana ni sasa hivi. Son cœur. Moyo wake. Son flamme. Iko na waka. Pour aller dans ce pays. Que son père Abraham. Il est inchi, papa Ibrahim. Alionaka kwa mbali. Ce pays. Il est inchi. Dont le constructeur. Il est mujengaji. Et Dieu lui-même. Ni Mungu yeye mwenyewe. Ce pays. Il est inchi. Dont Christ a promis. Il est Christ arlaka. Il dit que votre cœur. Ne s'étouffle point. Croyez à moi. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je m'en vais vous préparer. Un chrétien. L'épouse. Brise dans son cœur. Il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas. Il veut aller là-bas. Il veut Ils attendent que la politique change. Ils commencent à manger une maratano par siku. Ils construisent des maisons. Ils se tapent des voitures. Les enfants aillent en Europe. C'est tout ça qui préoccupe les gens. Pagaille, qu'on engage à battre. C'est faux, frère. Bongo, les mubaya nduku. C'est faux, ma soeur. Mubaya dada. Quand Daniel a vu. Quand Daniel a lu. Par la prophétie de Jérémie, que le temps du retour était proche, il n'est plus resté tranquille. Si il y a un temps où l'église du Seigneur devait être consacrée à la prière, à la parole, mais à une vie sainte, cherchant la volonté de Dieu pour les jours de leur vie, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'église du Seigneur devait prendre son balai et balayer tout ce qui est faux, tout ce qui est signé, tous les péchés dans son cœur, maintenant, s'il y a un temps où les frères et les sœurs qui attendent le retour du Seigneur Jésus ne devaient pas supporter les péchés dans leur cœur, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'église du Seigneur ne devait pas supporter des conflits avec des gens, c'est maintenant. Le départ est imminent. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous pensez que les Babyloniens avaient le temps de prendre le livre de Jérémie pour lire? Non. Daniel a lu. Daniel a lu soma. Parce qu'il croyait à ce livre. Un païen. Mupagano, tout homme. Mutiote, même s'il est ici. Atakame kwa apa, toute femme. Ote, même s'il est femme de cette église. Atakama ni dada wa kanisa. Il n'est pas la Bible tous les jours. Biblia, kila siku, c'est un démon. Ni demona. Tout homme. Mutiote, et toute femme ote, qui ne lit pas la Bible aujourd'hui tous les jours siku, est un démon. Demona, un démon. Demona. Il prouve par sa vie yake, que la Bible Biblia, ne lui appartient pas. Aina yake. La Bible ne le concerne pas. Biblia aimwangalia hapana. Et ce qui est écrit, na ile ni kuandikwa ndani ya Biblia aimwangalia hapana. Il prouve pas sa vie. Anahakikisha kupitia maisha yake. Il ne trouve aucun intérêt. Kwamba sione faida ta moja. Les écritures. Katika maandiko. Ce n'est pas son affaire. Aina mambo yake. Il les dit qu'il les lise ou pas. Aisome wala hapana. Yeye ana mambo yake. Son problème c'est aller au champ. Mambo yake ni kwenda mashamba, kufanya biashara. Que ses enfants étudient. Watoto wake wajifunze. Il cherche du travail. Atafute kazi. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'indou? Il reste chez lui à la maison. Ah bah, quoi qui va couturiser? Ce n'est pas un problème. Mais cet homme de Dieu. La qui ouille mutu amungu. Pendant 68. Mumiaka makumi sita na munane. Dans la captivité. Katika kifungo. Éloigné de sa ville. Bali na muji yake. Éloigné de son temple. Bali na ikalu yake. Privé de son église. Mwenye mbali na kanisa yake. Sans nouvelle naissance. Bila kuzalikwa mara ya pili. Sans passer pour l'exhorter. Bila pastori njua kumuonya. Pour l'encourager. Na kumusubutisha. Il est resté fidèle. Alibaki mwaminifu. Il a vécu une vie irréprochable. Aliishi maisha bila kemeo. Il avait un souci permanent. Alikuwa na hangaiko ya kila muda. Un souci permanent. Hangaiko ya kila muda. De Dieu dans son cœur. Ya Mungu ndani ya moyo wake. Il pensait à son peuple. Alikuwa anawaza kumbuaza taifa yake. Il pensait à son Dieu. Alikuwa anawaza Mungu wake. Il pensait à la loi de son Dieu. Alikuwa anawaza sheria ya Mungu wake, ya Mungu wake. Il enviait le retour. Alikuwa na hamu sana ya kurudia. Oui, frère et sœur. Ndio na dada ndu. Si nous lisons la Bible tous les jours, même aujourd'hui, Dieu est capable de nous révéler tout ce qui est écrit dans la Bible, qui nous concerne pour notre salut, pour notre sanctification et pour notre départ. Tu ne lis pas la Bible. Ah, c'est pourquoi vous avez même des difficultés pour comprendre ce qui est enseigné. Oui, frère. Oui, ma soeur. Il y a une très grande leçon. Nous devons avoir honte. Chacun de nous doit avoir honte. De s'intéresser seulement aux choses terrestres. Et de négliger les choses célestes. Frère, Idunia, le monde ici, Aïna Yetu, pas les nôtres. Mon frère, Yangu, ma soeur, Idunia, le monde ici, Aïna Yako, pas ta patrie. Aoutabakiaka, Milele, Abapadunia. Tu ne seras pas éternel, éternellement sur cette terre. Des fois même, tu ne seras même pas atteint de 50 ou 100 ans. Il y a un de ceux-là qui ne peuvent pas même faire 30 ans. Ce n'est pas ta patrie. Mais les gens aiment tellement la domination du diable qu'être libre avec Christ. Frère, Wanduku. Il n'y a rien de rassurant sur cette terre. Sur cette terre, vous aurez déception par déception. Ne pensez même pas que les études que tu fais parce que tu es encore enfant. Ou t'as quoi dit directeur PDG? Tu seras directeur au PDG. Tu te trompes. Tu te troubles en vain. C'est le diable qui te trompe. S'il y a un temps où l'église du Seigneur devait marcher dans une haute sainteté, il passe à Kutemba katika utakatifu ya juu, ni leo hii, ni sasa hivi. S'il y a un temps où un véritable chrétien, une véritable chrétienne qui attend le retour du Seigneur, devait garder ses pensées pures, ses pensées pures et saintes. C'est maintenant. Oui, bien aimé frère, Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est au la porte. Oui, bien-aimé sœur. Le monde Dunia est arrivé à la fin. Nashikadi mwisho. L'église Kanisa est à la fin. Ikonjo kumwisho. La grâce elle-même Nema yenyewe est arrivée à la fin. Nashika mwisho. Voyez, naona, comme la Bible dit, bien, la fin de toutes choses est proche. Lisons cette écriture. La fin de toutes choses est proche. Yote, mekaribia. Si nous comprenons cela, que devons-nous faire? La fin de toutes choses est proche. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Oui, bien aimé frère. Oui, ma soeur. Oui, mon frère. Première Pierre, chapitre 4. Oui. Non. Verset 7. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour cultiver les champs. Alléluia. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour faire le commerce, pour enseigner. Pourquoi vous ne répondez pas? Ce n'est pas l'écriture. Ce n'est pas l'écriture. Qu'est-ce qui est écrit ici? La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et propres. Soyez sages et sobres pour vaquer à vos occupations. Alléluia. Fais-moi une bonne écriture. Soyez sages et sobres pour vaguer à vos occupations. C'est ce qui est écrit. Mais il fallait dire amen à ce qu'on a dit, non? Parce que vous avez une vie contraire à l'écriture. Vous vivez une vie contraire à l'écriture. Et on voulait cette écriture-là, qui est en dehors de la Bible, il fallait dire amen à cette écriture. Ne pas dire amen à cette fausse écriture, c'est l'hypocrisie. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaguer à la prière. Avant tout, ayez les uns les autres, les uns pour les autres, de la haine ardente. Amen. Amen. Pas d'amen. Mais pourquoi vous ne vous parlez pas? Pourquoi vous faites des ennemis? S'il y a une période, où l'hypocrisie devait cesser dans les croyants, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'amour de Dieu, l'amour fraternel, devait remplir les cœurs de l'Église, c'est maintenant. S'il y a un temps où l'Église devait être enflammée dans la prière, c'est maintenant. C'est vrai. Avant tout, ayez les uns pour les autres de l'amour, un ardent amour, car l'amour couvre inutile de péché. Exercer l'hospitalité, les uns avec les hommes, comme des bons dispensateurs, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres, les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il est rempli selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toutes choses, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est vrai. C'est un temps. C'est un temps où l'Église devait être enflammée pour les choses de Dieu. Dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 10, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Si toi tu investis sur la terre, sachez que ton investissement sera consumé. Mais tout cela est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Comme toutes les choses sont en voie de disparition, de dissolution, combien votre conduite, combien notre conduite et notre piété doivent être saintes. attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments brasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse. Nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tâche et irréprochable, dans la paix. S'il y a un temps où les hommes et les femmes qui attendent le retour du Seigneur Jésus doivent vivre une vie non tachée, une vie irréprochable, c'est maintenant. Tu dois vivre dans la paix. Être en paix avec ta propre conscience. Être en paix avec Dieu. Être en paix avec ton prochain. Être en paix avec ton mari. Être en paix avec ta femme. Être en paix avec tes enfants. Être en paix avec tes parents. Être en paix avec tes voisins. Être en paix avec les frères de l'église. Être en paix avec les collègues au travail. Être en paix avec tout le monde. Être en paix avec tout le monde. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Vivre une vie irréprochable. Dans la paix avec tout le monde, avec les gens, avec l'église, avec Dieu. C'est vrai, frère. Et c'est la vie que nous menons. Daniel, l'homme de Dieu. 68 ans, seul, loin de son pays, sans pasteur, sans église, sans diacre, sans frère pour communier, lui seul, il est demeuré au-dessus de tout le péché, irréprochable. C'est vrai. Nous devrons avoir honte. Nous devons avoir honte avec la vie que nous menons. Nous devons avoir honte. Nous menons une vie honteuse. Nous nous appelons. Oh, nous sommes l'époux de Jésus-Christ. C'est un mensonge. C'est faux, frère. Un homme sans nouvelle naissance, il a défié, sans nouvelle naissance, il a défié le royaume, il a défié des lions, il a défié les chefs militaires, il a défié tout le monde, même Satan. Un homme sans nouvelle naissance. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous sommes couverts de honte. La vie que nous menons prouve ce que nous sommes. La vie que nous menons prouve que nous ne sommes pas attachés à la parole. La vie que nous menons prouve que là dans notre cœur, il n'y a rien de Dieu. La vie que vous menez, Maïsha, prouve que tu n'iras pas dans la vie. Quand on a une musique, Jésus revient, on a l'amour, on a cheza. On sait pas, on a cheza mandombolo. Tu danses comme ça, il a qu'il faut. Ne vous tentez pas à chanter, il y a ma drum. On est bisqué à musique, il y a un chamoucha. Mais quand tu sors, mais vous vivez comme un cochon. On a ici un gourou. Tu nous honte. Nihaya. Lève-nous pour la prière. Je suis même déjà comme. C'est vrai, frère. Il y a quoi l'indouk? Nous avons honte. De ne pas vivre une vie conforme à la parole. Ya kukosa kuishi maisha yenye kuambatana na neno. Tu n'as que 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 15 ans, 20 ans, dans la foi, katika imani, tu es déjà apostat. Ulisha acha imani, unatupa imani. Mais Daniel, Daniel, miaka makumi sita na munane, j'ai resté fidèle à la parole. Alibaki mwaminifu kuneno. Et toi et moi, na we na mie, avec la vie que nous avons aujourd'hui, la vie que nous menons aujourd'hui, nous allons hériter le même ciel avec Daniel, avec Shadrach, Abednego et Meshach. On a l'anda. Tu te trompes. Que mukenja iba kwetu nyanda umbali wanayo. Yesu imu kungila emu kandebu. Vika. Oh,